sais même plus quel jour on est. J'en fumais toute la journée. J'ai nié, j'ai pas avoué. Et mes sons font que tourner. Un peu de Jack Miel au nez, genou nez. Dans la voiture cagoulée. Le vélodrome. Ah ah, y'a du poulet. Je me noie et j'ai pas de bouée. Tu vas finir le corps trouvé. J'ai qu'un budget, qu'un souhait. Même si tu fous mon soulier. Et les chemises sur ton palier. Fallait nier. Trop d'ennemis, peu d'alliés. Le game, je l'ai balayé. Je peux mourir comme un malien. On prend du plaisir, arrive au clip en calancier. Trop de folle, trop de pillage, j'en ai plus rien à cirer. C'est la mythe mon ennemi, et les pompiers de me cirer. J'ai le cœur déchiré, j'ai touché l'iceberg, j'ai pas chaviré. S'il faut dans le passé, j'irai. S'il faut dans le passé, j'irai. On va avec mon aide, j'ai les giros. Et mes bottes, ils sont givrés. Prennent la fuite quand y'a les giros. Tu m'as trahi, tu pas mercé. Quand une balle va te traverser, le dino bercé. Le bébé, on va vous quiller. On n'est pas des minots. T'as fait la pute, faut pas trahir Toto comme Skiro. Je fume un joint, je suis quillé. Avec un peu de sirop. Je rêve, je veux des billets. Je vais mettre la Lulu comme Kirlo. T'as vu comment je suis habillé. Je fais mes clips, je suis pas maquillé. T'as vu comment je suis grillé. Toujours la main et le micro. Il a mis le nez dans la machine. Ça y est, il me fait la mâche. Moi, gros, y'a personne qui m'achète. Avec un peu de magie. Je voulais les feux comme dans GTA. J'avais même plus GTA. La GTA. Ouais, mais tu me dégoûtes. On veut tous comme un améra. Avec loin, on s'en ira. Je suis juste un rappeur. Je fais pas de miracle. Parce que moi, on est que des acteurs. C'est mon malheur. Je reviens tout à l'heure. Je regarde vers là. À chanter, ouais, ils sont beaucoup. On viendra fort comme Son Goku. Voilà, mais je suis comme un autre. Je te parle et je veux te mettre mon coup. Trahis pas la bête qui t'a nourri. Toi, tu manges la seule qui t'a pourri. Vas-y, tu peux me quiller. De toute façon, je suis assuré tout risque. Ainsi que sur bête de l'OM. Problème, j'ai toujours le problème, j'ai toujours le problème. Je vais pas t'écrire un poème. Tu fais trop le Tony. Va te faire buter par Tota. Que ils sont tous des comiques. Je suis pas eux, moi je mouille le Tota. Moi j'moule le dos ça. Je suis pas eux, moi j'moule le dos ça. Merci la zone. L'équipe. Franchement c'est le feu, j'suis trop content. Ce soir on est là avec les supporters et tout. Ah, déguste pas. On teste pas le ballon, nous. On va voir un peu. En claquette, normal, hein. Tu connais. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ok, ok, ça fait. Ça fait, ça fait. Là, là, là, là, là. Le ballon, qui c'est qui veut le ballon? Alors, on voit. Le ballon, ça fait. Et aussi, je voulais faire du bruit pour les winners, pour les fanatiques, pour les MTP, pour les Dodgers, pour les Ultras, les amis de l'OM, les Yankees et les Andy Fan Club. Ça vient d'où ce soir? On est où ce soir?